Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. En 1969, deux ordinateurs distants l'un de l'autre échangeaient pour la première fois des données. Derrière ce premier échange permis par le réseau ARPANET se dessine la genèse d'une révolution, celle de la naissance d'Internet, le réseau des réseaux. 20 ans plus tard, advenait une révolution dans la révolution, avec la création du web. À partir de cette date, le monde a rapidement adopté ce nouveau mode de communication et c'est un bouleversement informationnel, économique, culturel, politique, industriel qui s'est enclenché. C'est donc le récit de la construction d'une tour de Babel virtuelle que nous vous proposons de réaliser aujourd'hui. Internet, voyage au bout du réseau, c'est le programme interconnecté qui est le nôtre. Pour l'heure qui vient, bienvenue dans Eureka. Et pour évoquer ensemble l'histoire de cette révolution, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Valérie Schaffer. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine au C2DH, le Centre d'histoire numérique à l'Université du Luxembourg, et chercheuse associée au Centre Internet et Société du CNRS. Nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Camille Paloc-Bergès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche au Conservatoire national des arts et métiers au sein du laboratoire Histoire des technosciences en société. Alors avant d'entrer dans la matrice d'Internet, j'aimerais, si vous le voulez bien, que nous refassions un petit point sur sa préhistoire. Et si on a fait on pourrait faire un petit panorama des moyens de communication dont on disposait à l'orée des années 1960. Valérie Schaffer, quel était l'état des télécommunications avant l'émergence des tout premiers réseaux Internet? Alors, c'est une question complexe parce que l'état des télécommunications serait pas le même si on prend pour point de vue, on va dire, par exemple, la France et son retard téléphonique. Hein, on se souvient tous du sketch et des difficultés, Fernand Reynaud. Oui, voilà, absolument. Et les États-Unis, en tout cas, il existe déjà, c'est ça qu'il faut rappeler absolument, des réseaux avant ARPANET. ARPANET n'est pas le premier réseau d'ordinateurs. Et notamment, dans le contexte de la guerre froide, il y a eu la création de réseaux liés à la surveillance du ciel aérien, comme le système SAGE, et des réseaux également qui ont des applications plus commercial, on va dire, notamment pour des réservations aériennes telles que le réseau Sabre, qui est une sorte, pas d'expansion, mais qui va découler des travaux faits sur SAGE et être développé notamment par IBM. Donc, on a déjà des réseaux, mais des réseaux très limités à des fonctions soit stratégiques, soit de très, très grandes entreprises. Pas du tout accessible, on n'est pas encore dans le temps du grand public. Il faut se rappeler que l'informatique, c'est aussi à l'époque des machines extrêmement lourdes et qui prennent de la place. On n'est pas arrivé au temps de l'informatique personnelle et surtout des réseaux souvent très centralisés. Et ARPANET va changer la donne. Camille Paloc-Bergès, si on se maintient dans ce contexte géopolitique tendu de la guerre froide, quel intérêt, du point de vue de la sécurité, avait cette mise en réseau des ordinateurs que n'avait pas, par exemple, d'un point de vue de la sécurité, l'usage des téléphones ou d'autres fonctions de messagerie? Alors, du point de vue de la sécurité, là aussi, il faut dissocier entre des réseaux, on pourrait dire conceptuels, ou en tout cas des modèles théoriques de réseaux, et l'effectivité de réseaux existants. Alors, sur le plan des modèles théoriques de réseaux, on cite souvent Paul Baran, mais il n'est pas le seul à avoir conçu, à avoir mis sur le papier, si j'ose dire, la forme logique d'un réseau qui serait résistant notamment aux attaques nucléaires réelles ou fantasmées dans le contexte de la guerre froide. Et ce réseau maillé, distribué et décentralisé aura une influence intellectuelle extrêmement forte, en effet, sur l'ARPANET. Mais du point de vue opérationnel et effectif, la question de la sécurité ne se posait que très peu, puisque, comme le disait tout à l'heure Valérie, les réseaux étaient essentiellement centralisés. Beaucoup de réseaux aussi étaient mis en place dans les entreprises pour pour les employés même de ces entreprises, pour par exemple l'interrogation de bases de données à distance. Valérie mentionnait le réseau Sabre tout à l'heure. Il faut pouvoir interroger des bases de données qui contiennent des données de réservation, de temps et heure de départ des avions. Mais on en trouve dans beaucoup d'entreprises. On a besoin de par exemple connaître l'état des stocks pour pouvoir vendre, pouvoir construire puis vendre tel ou tel produit. Et donc, on transforme, si vous voulez, cette consultation des stocks en première forme de flux, en fait, des flux d'interrogation. Et donc, tout ça est très centralisé et à l'intérieur d'entreprises qui sont soit sur un même site, soit sur des sites différents. Et c'est là, évidemment, que la connexion à distance commence à être intéressante pour ces entreprises-là. Tout ceci en parallèle, parfois en convergence avec les recherches universitaires qui mènent à l'ARPANET, notamment. Valérie Schaffer, Camille Paloc-Bergès parlait à l'instant de la décentralisation des premiers réseaux. Et quand on parle de réseau, on a souvent tendance à croire que c'est quelque chose d'assez virtuel. En fait, c'est très concret. Est-ce qu'on pourrait décrire l'architecture de ces premiers réseaux-là décentralisés ? Alors, ce que soulignait Camille et moi également, c'est au départ, justement, c'est très, très centralisé. C'est-à-dire qu'on a un gros ordinateur et ensuite on a, et effectivement vous avez raison de rappeler la matérialité des choses, des lignes et notamment téléphoniques pour relier des terminaux, alors qu'ils sont souvent un peu plus des machines un petit peu plus modestes que le gros central, le nœud centralisé du réseau. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ce sont souvent des réseaux propriétaires, c'est-à-dire des réseaux qui ne fonctionnent qu'avec les machines d'un seul manufacturier d'ordinateurs. Donc, si on fait un réseau, on le fait tout en IBM ou tout en Digital Equipment Corporation, des machines de DEC, etc. Et effectivement, le changement majeur qu'introduit ensuite ARPANET, c'est cette idée d'un réseau qui sera plus davantage distribué, décentralisé, mais aussi qui met fin à ces architectures propriétaires, qui permet de faire communiquer entre eux des ordinateurs de constructeurs différents. Ça a déjà été fait en fait en 65. Donc avant le développement d'ARPANET, il y a eu notamment la connexion entre deux ordinateurs de constructeurs différents. Et aux États-Unis, c'est cette expérience et ça va inspirer aussi bien sûr le réseau ARPANET. Mmh. Camille Paloc-Bergès, est-ce que c'est là que s'effectue le début de la transition des réseaux dits analogiques, comme celui du téléphone par exemple, vers des réseaux dits numériques, et qu'est-ce que ça change ? Alors cette question-là, elle est complexe parce que beaucoup de questions le sont, mais parce que les réseaux et jusqu'à aujourd'hui encore sont un mixte de données analogiques et numériques, et particulièrement à ce moment-là, je laisse de côté juste un instant les réseaux entièrement numériques qui fonctionnent par commutation de paquets. On va revenir probablement sur ça à propos d'ARPANET. Mais il faut savoir que beaucoup d'expérimentations de connexion soit dans des réseaux centralisés entre le gros ordinateur central et les terminaux et les périphériques. Ça peut être des écrans, ça peut être des imprimantes. Mais aussi des connexions entre deux ordinateurs se font via des lignes téléphoniques. Donc on a une sorte de superposition des données analogiques et des données numériques selon le niveau sur lequel va être connecté et vont se transférer les données entre les ordinateurs. Donc cette transition de l'analogique et numérique n'est clairement pas en rupture, elle est vraiment dans une continuité, une évolution très complexe avec une multitude d'acteurs à la fois humains et techniques, et elle va se faire sur plusieurs décennies. Valérie Schaffer, quel défaut des réseaux préexistants, les premiers réseaux informatiques, cherchent-ils à contourner en fait ? Alors, si je comprends bien votre question, c'est quelles sont les limites en fait des réseaux préexistants que vont chercher à dépasser les premiers créateurs de réseaux informatiques ? Alors, les limites des réseaux existants. Écoutez, ARPANET va chercher à dépasser les limites des réseaux précédents. Donc, c'est vraiment ce caractère propriétaire, totalement homogène entre matériel. C'est ce caractère très très centralisé. Ceci dit, les premiers essais, le développement de Sage, etc., on est dans effectivement des limites qui sont aussi des atouts. C'est-à-dire que la centralisation des formes d'équipement, elle permet aussi une forme de contrôle. Une architecture plus distribuée peut être aussi une différence. difficultés. Donc, on va alors tout de même avoir des évolutions, et elles ne touchent pas qu'au réseau, elles touchent à l'informatique en général. Une des choses qui va influencer aussi les visions de l'informatique, hein, telles qu'elles s'expriment ensuite dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle le temps partagé. C'est-à-dire que pendant longtemps, un ordinateur ne pouvait accomplir des tâches que les unes après les autres. Et si un scientifique rentrait tonnes de calculs dans un ordinateur, il fallait parfois revenir le lendemain pour avoir les résultats ou attendre que cette tâche soit accomplie pour lancer une deuxième, hein, beaucoup plus légère et rapide. Ça, c'était ce qu'on appelait le batch processing. Et avec l'apparition, le développement du temps partagé, hein, sur cette période qui précède ARPANET, on arrive à faire à un ordinateur en même temps plusieurs tâches et à traiter parfois des tâches plus légères ou plus rapides avant des tâches plus lourdes. Donc l'informatique et sa capacité de traitement évoluent grâce au temps partagé, et on va retrouver un peu cette idée de davantage de souplesse, d'une capacité de flexibilité dans la circulation des données, aussi dans les réseaux. Hein. Il y a un mot qu'on a utilisé pas mal depuis ce début d'émission, c'est le terme d'ARPANET. Je vous propose maintenant qu'on se dirige vers cette ARPANET en écoutant la voix de l'un des pionniers d'Internet, Charlotte Herzfeld, qui parle des origines d'Internet et notamment d'un certain Joseph Licklider. Tout a commencé avec cette idée. Si tu travailles sur ton ordinateur et moi sur le mien, et que nous devons résoudre un problème ensemble, ne serait-ce pas mieux que nos deux ordinateurs soient connectés ? Il y avait cette organisation au gouvernement nommée l'ARPA, qui s'intéressait aux réseaux d'ordinateurs. The Advanced Research Projects Agency, dédiée aux évolutions technologiques en lien avec la sécurité nationale. À cette époque, l'ARPA était installée au Pentagone. Il y avait un homme, Licklider, dont le rêve était de relier le monde entier par ordinateur. Son idée était différente. Les machines étaient alors énormes et on ne les touchait jamais, on parlait aux programmeurs. L'idée de Licklider était radicalement différente. Il voulait qu'il y ait une interaction directe entre l'utilisateur et la machine. Voilà la voix de Charles Herzfeld qui parle de l'un des génies de l'ARPANET, Joseph Licklider. Une réaction à cette archive, Camille Palocq-Bergès? Alors oui, en effet, il pointe dans cette archive un mot-clé qui va vraiment structurer et déterminer les évolutions des réseaux Internet. C'est le terme d'utilisateur, je pense, le mot d'utilisateur ou user en anglais a énormément évolué depuis l'époque. Hein. On se situe dans les années 50, même 60, beaucoup, avec un utilisateur professionnel de la machine qui est l'opérateur, le programmeur, l'administrateur. Et aussi bien que dans l'évolution des ordinateurs qui se miniaturisent, qui deviennent plus accessibles, qui deviennent même plus accessibles à l'utilisateur courant dans la fin des années 70 et 80, pour les réseaux, c'est un peu la même chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on, même si la temporalité est un peu différente, les réseaux s'ouvrent, d'un point de vue technique, à des utilisations de moins en moins spécialistes. Donc d'abord, comme le disait Valérie, avec la notion de multi-utilisation plutôt que de traitement par lot, mais aussi avec des logiciels qui permettent à chaque utilisateur, alors d'abord quand même des utilisateurs qui s'y connaissent un peu en informatique, puis d'autres qui sont amateurs, puis profanes, de pouvoir accéder à des outils de transfert de l'information, d'écriture, de lecture, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. On parlera d'informatique conviviale. Et c'est vrai que l'histoire des réseaux Internet est à lire en parallèle et en convergence avec cette histoire de la personnalisation des ordinateurs. Personnalisation au sens où les ordinateurs personnels vont être accessibles de plus en plus au plus grand nombre. C'est vrai que c'est important de souligner cette notion d'utilisation. Je voudrais juste rajouter que l'ARPANET a rencontré une limite, enfin travaillé sur une de ces limites dont on parlait tout à l'heure, qui était, enfin deux limites en particulier, qui étaient tout d'abord le temps de transfert. Alors le temps de transfert, ça aussi, ça va structurer l'évolution des réseaux jusque dans les années 90 où on mettait une heure à télécharger une image. Mais déjà, c'est des questions qui étaient posées dans les années 70. Combien de temps met une donnée pour être transférée d'un ordinateur à un autre? Et aussi la traduction de données entre deux ordinateurs qui peuvent être différents. Et c'est, c'est l'une des grandes découvertes, ou en tout cas l'une des grandes innovations de l'ARPANET, que de mettre au point des machines qui traduisent, qui transfèrent et traduisent les données d'un langage informatique à un autre, d'un système informatique à un autre. C'est ce que Valérie soulignait tout à l'heure sur, quand elle parlait du concept de réseau hétérogène, à la différence des réseaux homogènes. Valérie Schaffer, sur cette naissance d'ARPANET, qui est vraiment l'un des socles, peut-être le socle de la naissance d'Internet, quels étaient les grands objectifs derrière ce premier réseau pensé par le département de la défense américaine ? Alors, il y a une multiplicité en fait d'inspirations, et je vais revenir un petit peu sur LeakLeader aussi pour souligner que c'est évidemment un chercheur en informatique brillant, un manager brillant également, hein, qui va diriger le premier LIPTO, hein, au sein de l'Advanced Research Project Agency, qui est le département dédié à l'information qui va lancer le projet ARPANET. Alors, il n'en est plus directeur au lancement du projet ARPANET, mais il y a une influence derrière, puisque outre ses capacités informatiques, LeakLeader est aussi quelqu'un qui s'intéresse aux interactions en machine, la psychologie, qui est imprégnée aussi de cybernétique et qui notamment a écrit des ouvrages. L'un, c'est les bibliothèques du futur, et l'autre, c'est Man-Computer Symbiosis. C'est juste pour replacer aussi dans ce contexte intellectuel, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des purs ingénieurs, hein, qui rêvent juste de transférer des données, mais qui ont effectivement, comme Camille l'a dit, des visions aussi, et des visions intellectuelles, des visions science-fictionnelles même presque, pour eux à l'époque. Pour l'époque, mais finalement, on n'en est pas si loin. On pourrait en citer d'autres. Hein. On cite souvent, après la Seconde Guerre mondiale, hein, le MEMEX, le Memory Extender, hein, de Vannevar Bush, et cette idée aussi de ces outils et de l'informatique, hein, comme une extension de notre mémoire. Bah, ce sont finalement, hein, des utopies peut-être à l'époque, mais qui se réalisent. Juste avant le lancement d'ARPANET, j'ai envie d'évoquer aussi Douglas Engelbart et puis sa démonstration, hein, qu'on a appelée The Mother of All Demos, avec un système interactif, avec des fenêtres, etc., qui devient la mère de toutes les démos, tellement c'est absolument extraordinaire. Douglas Engelbart, qui inventera aussi, hein, la souris d'ordinateur, et il y a tout un travail, hein, comme ça, sur l'interaction avec l'ordinateur, sur des visions, effectivement, du futur et autres. Alors, ce réseau ARPANET, il est vendu, hein, de façon beaucoup plus pragmatique, hein, à l'ARPA, en disant, on va essayer de connecter, hein, des ordinateurs de constructeurs différents, on va faire un réseau, on a des terminaux à l'ARPA qui sont incompatibles, faisons quelque chose. Et d'emblée, il faut souligner, parce qu'on a eu beaucoup, hein, ce discours sur ARPANET, c'est un réseau militaire, que oui, il y a des financements, hein, effectivement militaires, et tout ce contexte de la guerre froide, et qu'en parallèle, on va arriver aussi, hein, dans les mouvements contre-culturels, la Beat Generation, etc. Donc c'est un mélange assez original. ARPANET n'a jamais été secret défense. C'est un réseau qui d'emblée est pensé comme devant inclure, hein, les universités qui ont des besoins en calcul, en transfert de fichiers et autres, du moins les universités qui ont des contrats avec l'ARPA. C'est aussi pour mieux partager, hein, des données, de la puissance de calcul et pouvoir ainsi mettre aussi en réseau la communauté scientifique. Et puis, il y a un autre acteur, on y reviendra peut-être, c'est les industriels, hein. Il fallait aussi, évidemment, du matériel et des industriels pour penser tout ça. Camille Paloc-Bergès, Valérie Schaffer l'évoquait à l'instant, l'importance qu'ont eu les universitaires, les chercheurs notamment du MIT dans le développement de l'ARPANET, avec cet idéal de transmission des données, avec un premier terme déjà qui peut nous sembler à nos oreilles non initiées un peu barbare, le terme de transmission de données découpées en paquets. Que signifie ce terme-là et qu'est-ce qu'il recoupe comme difficulté à mettre en place ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je parlais tout à l'heure d'utilisateurs. On est très loin de l'utilisateur courant à l'époque. L'un des buts à atteindre pour l'ARPA, c'est de mettre à disposition des ordinateurs connectés entre eux pour les scientifiques. Donc Valérie l'a dit, pour le calcul et le transfert de données. Les physiciens auront une énorme importance dans ces premières expérimentations-là, mais aussi des scientifiques sciences sociales, on voit des psychologues expérimentaux ou des sciences sociales à visée quantitative, enfin à méthode quantitative, qui utilisent aussi ces premiers réseaux-là. Le MIT, Stanford, évidemment l'Université de Californie, l'UCLA, qui a mis en place les premiers nœuds. Alors, en ce qui concerne le transfert de données par paquet, on est vraiment à un niveau, comment dire ça, même infrastructurel de ces usages-là. Si vous voulez, l'utilisateur qui n'est pas celui qui met en place le réseau n'a pas accès à ce découpage des données en paquet, à ce découpage et ce transfert des données en paquet. Ça relève alors c'est évidemment assez complexe techniquement, mais pour utiliser une métaphore que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de traduction de données pour mieux les envoyer sur les réseaux. Donc la grande innovation d'ARPANET, c'est de pour pouvoir connecter des machines hétérogènes, des machines différentes avec des systèmes différents, ils installent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des modems, ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais qui permettent de faire sortir et de faire entrer des données dans chaque ordinateur traduites pour que le système comprenne les données en question, puisse les interpréter, puisse les lire, puisse les réécrire, etc. Et ça s'accompagne d'un parcours des données en paquet, c'est-à-dire que les données sont éparpillées sur le réseau, elles ne prennent pas la même route comme c'était le cas sur les lignes de téléphone, elles s'éparpillent et elles se sur toutes les mailles du réseau, et puis elles se rassemblent à l'entrée de l'ordinateur destinataire, toujours par cette petite porte d'entrée, donc ça s'appelle les interface message processor, donc les IMP comme on les surnomme à l'époque, qui les rassemblent, qui les remettent en forme, qui les traduisent pour qu'elles deviennent lisibles par le nouvel ordinateur. Donc la transmission de données par paquet, c'est vraiment cette idée que les données ne prennent pas la même route, mais prennent des routes différentes, et ça va venir confirmer le modèle théorique dont je parlais tout à l'heure de Paul Baran, qui fait que si une maille du réseau est interrompue et coupée à un certain endroit du réseau, ce n'est pas si grave pour la transmission d'informations, puisque l'information, les données de l'information se reconstituent, reprennent une route différente, si vous voulez, elles ont une forme d'intelligence. Alors, je ne parle pas d'intelligence artificielle. Un polymorphisme particulier. Voilà, c'est ça. Et elles se reroutent et elles prennent le meilleur chemin possible pour arriver à destination et pour se regrouper et devenir lisibles et interprétables par l'ordinateur destinataire. Valérie Schaffer, quel était le premier message émis lors de la première connexion ARPANET? Je crois que l'histoire est assez amusante, elle n'est pas complètement réussie tout d'abord. Oui, alors je ne vais pas vous faire rire beaucoup parce que je n'ai plus l'anecdote ou je l'ai que très brièvement. Alors, il me semble que le premier mot qui a été tapé, c'était login, mais il y a eu un bug et donc on s'est arrêté à low. Voilà. Oui, absolument, un tout petit bout. Mais je voudrais revenir, si vous me le permettez, une seconde sur les paquets pour donner une image aux auditeurs que Louis Pouzin, qui était le chef de projet d'un réseau français à ce qu'on appelle aujourd'hui l'INRIA, hein, le réseau Cyclades, avait partagé avec moi. Il développe un projet assez proche, hein, de celui d'ARPANET, donc Cyclades à partir de 72 avec toute une équipe. Et il va aussi faire le choix des paquets. Et il avait cette image pour expliquer leur utilité qui était celle du rang de théâtre en disant on peut attendre que chaque spectateur soit arrivé et puis les placer un à un. Donc on va placer le spectateur qui est au fauteuil 10, puis au fauteuil 9, au fauteuil 8, etc. Ou alors, chacun vient avec son ticket, le numéro 8 ben, s'installe, puis le numéro 6, etc. Et le rang se reconstitue ainsi. Et il y a effectivement cette idée. Alors après, sur les paquets, il y a eu des querelles quand même. Sur la commutation de paquets, il y avait plusieurs façons de faire circuler les paquets. C'est est-ce que dans un même message, une fois qu'on avait découpé en petits paquets, on envoyait les paquets à travers tout le réseau, ils se rassemblent à la fin, ou est-ce que les paquets d'un même message essayent de se suivre? Ce qui va être une logique à adopter notamment par le monde des télécommunications dans un réseau célèbre, Transpac, hein, qui va supporter en France le trafic Minitel. Alors, on n'a pas le temps de revenir sur toutes ces discussions, hein, autour des paquets. On a cité Baran. Camille a cité UCLA et là, il y a le professeur Kleinrock, hein, notamment, qui a beaucoup pensé ces questions de paquets. J'ai évoqué rapidement Louis Pouzin et toute son équipe, hein, Cyclades en France et d'autres. Hein. Cette idée, elle est dans l'air du temps et elle rejoint ce que je vous disais un peu aussi sur les ordinateurs, le temps partagé et faire plusieurs tâches en même temps, et puis des questions évidemment de sécurité, de rupture d'infrastructure. Donc, les paquets, c'est encore ce qu'on a dans TCP/IP, dans Internet hein, aujourd'hui, et c'est évidemment un des points importants aussi de cette histoire. Un des points importants qu'on va aborder dans un instant. France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp. On continue cette histoire de l'invention d'Internet et je vous propose maintenant d'entendre la voix d'un autre pionnier de ce réseau-là. Il s'agit de Robert Taylor. Dans le centre d'études où je travaillais, j'avais la possibilité de me connecter à trois systèmes informatiques différents, complètement indépendants les uns des autres. L'un au MIT de Boston, un autre à Berkeley en Californie et le dernier à Santa Monica. J'avais trois terminaux différents. Je pouvais entrer dans les trois systèmes avec un mot de passe et être connecté avec l'ensemble des utilisateurs du centre que j'avais choisi. Et tout de suite, une question évidente m'est venue à l'esprit, comme elle aurait pu venir à l'esprit de n'importe qui. Pourquoi ne pas avoir tout simplement un ensemble cohérent, un réseau, pour qu'à partir de n'importe quel terminal, on puisse aller où on veut? On avance donc dans cette histoire d'Internet et très vite, dans les années 1970, Camille Paloc-Bergès, plusieurs types de réseaux se multiplient et ça va avoir une importance fondamentale dans le développement d'Internet. Quelle importance ça a? Oui, alors je parlais tout à l'heure d'hybridité. L'ARPANET est souvent décrit, même le plus souvent décrit comme l'ancêtre d'Internet, et d'un point de vue technique, parce qu'il a mis au point le protocole de la suite TCP/IP. Il l'est. Toutefois, de nombreux autres réseaux mettaient en jeu des technologies beaucoup plus hybrides. Je vais prendre juste un exemple, deux exemples, disons. Le premier exemple va nous faire revenir un peu en France, c'est celui de la télématique, où on a été assez pionnier. C'était un contexte européen, hein, dans toute l'Europe, des expériences télématiques, c'est-à-dire de communication entre ordinateurs ou entre des communications informatisées, mais via des lignes téléphoniques, se mettaient en place. Et sans avoir donc la pureté, si j'ose le terme, c'est pureté entre guillemets de la suite protocolaire TCP/IP qui était entièrement informatisée avec des lignes dédiées, etc. Alors le Minitel hein, qui arrive dans les années 80 mais qui est expérimenté, les lignes télématiques sont expérimentées dès les années 70, pas seulement en France, dans le monde entier. Sont un de ces réseaux-là. Alors, il donne accès à des populations, elles pour le coup beaucoup plus d'usage courant, aux premiers services de communication. Services de communication, c'est-à-dire la possibilité de se réunir en forum, de discuter technique, mais aussi de discuter, pourquoi pas, loisirs, jeux. C'est aussi l'époque où les premiers jeux vidéo commencent à arriver au grand public. Hein. L'explosion, c'est les années 80, mais ça commence dans les années 70. Donc tout foyer équipé, alors surtout aux États-Unis mais aussi en Europe et en Asie aussi, pouvait ainsi se connecter sur ces réseaux téléphoniques. Un autre réseau que moi, pour ma part, j'ai beaucoup étudié, c'est le réseau des informaticiens Unix, qui aussi fonctionnait sur ligne téléphonique, mais entre machines dites Unix. Et au sein, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment des réseaux complexes des machines complexes qui sont aux mains des informaticiens. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que pendant qu'ils écrivent, ce sont des programmeurs très calés, pendant qu'ils écrivent des fonctions actions très innovantes pour la programmation de nouveaux systèmes informatiques, ils pensent aussi aux aspects sociaux de ces réseaux-là. Je lisais encore récemment dans des archives quelqu'un qui témoignait de la programmation d'une fonction talk, donc comme parler, en appuyant sur quelques touches, on pouvait se parler entre programmeurs, donc des derniers trucs et astuces de la programmation, mais aussi du restaurant auquel on allait manger le soir même. Et très vite, ces réseaux ont commencé à se diversifier du point de vue des thèmes, alors entre spécialistes ou amateurs éclairés, si j'ose dire, et surtout équipés, c'est ça qui est très important à savoir, sans équipement, on n'a accès à rien. Mais ces utilisateurs-là commencent à insuffler une âme sociale, si j'ose dire, dans ces réseaux-là. Et ils vont dire que dès la jeunesse d'Internet, il y a une espèce d'esprit communautaire qui est déjà là. Exactement, un esprit communautaire qui se forme, qui utilise, qui teste toutes les possibilités pour pouvoir discuter de tout et n'importe quoi, comme on le faisait avec le téléphone peu avant. Est-ce que je peux revenir juste un instant sur l'anecdote de l'eau? Je voulais juste vous donner une petite référence parce que le fameux login qui est le premier test de l'ARPANET. Et donc le premier test de l'ARPANET entre l'UCLA, l'université californienne, et l'université de Stanford. Cette première expérience crash, rate entre guillemets. Et donc en effet les deux premières lettres qui sont transmises sont l'eau. Et d'après un mot célèbre de Klein Rock dont on parlait tout à l'heure, ils ont dit lo and behold, donc et voilà, on a raté mais on continue, on a quand même établi une connexion. Et c'est d'ailleurs un titre, une expression lo and behold qui a été reprise dans le titre du documentariste Werner Herzog qui a fait un documentaire auteur sur l'histoire d'Internet il y a quelques années, 2010, oui, j'ai pas la date exacte en tête. Je revenais aussi sur cette anecdote pour dire que très tôt, l'écriture sur Internet, la possibilité d'écrire des mots, alors login c'est un terme technique, mais rapidement on va écrire sur des choses extrêmement variées, et très importante en fait, la possibilité de pouvoir s'approprier le clavier, les données pour en faire son propre usage, ça apparaît extrêmement tôt, et même dès les années 60, on ne va pas citer tous les projets, mais des projets comme Community Memory, comme le système Plateau, qui sont des projets américains, mais on a aussi pas exactement des équivalents, mais d'autres expériences dans les autres parties du monde, l'appropriation de l'écriture par clavier et de la communication entre humains via des machines est une activité un peu souterraine parce qu'elle n'est pas officielle. C'est pas pour ça qu'on finance les réseaux. On les finance pour des raisons militaires et scientifiques, comme on disait tout à l'heure. Mais cet usage social et humain des machines qui en fait vient nourrir ces réseaux et lui donner presque une raison d'être qui dépasse largement ses objectifs premiers. Oui. Valérie Schaffer, Camille Paloc-Bergès parlait utiliser des acronymes qui sont clés pour comprendre l'histoire de la naissance d'Internet. C'est les acronymes TCP et IP, ce sont donc des protocoles qui sont fondamentaux. Est-ce que c'est à partir du moment où ARPANET se fonde sur ces protocoles-là que Internet naît en 1983? Et quand même, est-ce que vous pourriez nous dire, même si c'est un peu technique, comment fonctionnent ces protocoles? Alors, vous évoquez 83. En fait, TCP/IP est en gestation avant, puisque TCP, hein, tout ce qui est Transmission Control Protocol, est défini dès 74, hein, au sein de discussions qui mêlent, et ça c'est intéressant, à la fois les scientifiques, les chercheurs en informatique américains, mais aussi des chercheurs en Europe, puisque dès le départ, en gros, il y a cette idée dans ARPANET d'en faire un espace d'innovation ouvert non seulement en termes de machines, hein, faire parler donc des machines de constructeurs différents, c'est un réseau ouvert, mais aussi en termes de discussion technique, et là c'est notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les requests for comments, qui sont une documentation technique ouverte à laquelle n'importe qui entre guillemets peut participer. n'importe qui, à condition évidemment d'avoir des choses à dire sur la technique et ses protocoles. C'est des RFC qui sont d'abord qui circulent dans ce milieu informatique sous forme papier, puis qui seront mises en ligne, et on en a des milliers aujourd'hui, et toute une mémoire technique de ce réseau. Et donc il y a effectivement profondément cette idée d'ouverture dans le réseau ARPANET, à la fois en termes d'organisation et en termes de communication entre les machines. Et donc il va y avoir toute une série d'impulsions dans les réflexions qui viennent un peu dans l'air du temps, sur cette réflexion, sur la commutation de paquets, etc. Et le protocole TCP va être nourri aussi de réflexions avec les Européens. J'ai notamment évoqué le projet Cyclades, et va donc être un changement de protocole par rapport au protocole précédent d'ARPANET, qui était NCP, pour adopter donc un protocole TCP qui évolue en TCP/IP ensuite, qui est ce protocole de transport par paquet, et plus précisément par datagramme, ces paquets qui circulent ainsi dans le réseau de façon dispersée. Alors ça m'amène à une autre notion qui est extrêmement importante aussi dans le réseau Internet, c'est que de plus en plus on va mettre l'intelligence en bout de réseau et pas dans le réseau, dans l'informatique, pas dans les lignes. Et ça c'est quelque chose aussi de structurel et d'important. Donc TCP défini en 1974 par des discussions au sein d'un International Network Working Group. Ça évolue ensuite en TCP/IP. Et alors, la date de 83 que vous évoquiez, c'est le moment où officiellement, ARPANET se scinde en deux réseaux. Un réseau militaire MILNET, qui va continuer sa vie propre, et un réseau davantage civil, qui est ce fameux réseau Internet avec TCP/IP. Internet donc apparaît vraiment dans les années 80. On peut aussi mentionner au passage la date de 1972, qui est l'une des nombreuses dates clés pour Internet, puisque c'est l'invention du courrier électronique et qui va avoir une importance évidemment déterminante dans la popularisation d'Internet. Je vous propose de rester avec nous parce que dans un instant, on va arriver à l'un des autres tournants majeurs pour Internet. On va parler de la création du web et de ses conséquences sur le succès mondial des réseaux. Hommage à Charlie Watts oblige, nous écoutions Connection par les Rolling Stones à 16h37 dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'une invention qui a changé la face du monde, puisque nous parlons de l'invention d'Internet. Et pour nous faire ce récit, nous sommes en compagnie de Valérie Schaffer, professeure d'histoire contemporaine au C2DH, le Centre d'histoire numérique à l'Université du Luxembourg, et chercheuse associée au Centre Internet et Société du CNRS. Nous sommes également en compagnie de Camille Paloc-Bergès, ingénieure de recherche au Conservatoire National des Arts et Métiers, au sein du laboratoire Histoire des technosciences en société. Alors, je le disais juste avant la musique, on en arrive à une révolution dans la révolution du web. Camille Paloc-Bergès, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle a été la genèse de cette révolution dans la révolution ? Alors, cette genèse est étrangement similaire à celle de l'ARPANET elle-même, puisqu'elle prend place dans un institut, une institution éminemment scientifique, le CERN, le Centre de Recherche Nucléaire Franco-Suisse, et puis largement européen d'ailleurs, sous les mains d'un certain Tim Berners-Lee, qui a connu le succès qu'on lui connaît, pour le coup, qui est d'abord quelqu'un qui n'est pas un des physiciens qui travaille sur les recherches nucléaires, à proprement parler, mais qui est un informaticien qui s'intéresse au partage de documents, à l'information scientifique. Et l'un de ses buts, l'une de ses envies presque, parce qu'il développe le projet un peu dans son coin, sans programme officiel, c'est de pouvoir faciliter le transfert de documents scientifiques entre ses collègues physiciens. C'est une question qui traverse l'histoire de l'informatique et des réseaux. Et qui est face à de nombreux échecs souvent, c'est de vouloir ne pas réinventer la roue et c'est-à-dire de toujours accroître l'efficacité de la communication. Donc plutôt que de réinventer ou de refaire dans son coin chacun quelque chose, autant les mettre en commun, pouvoir en discuter, mutualiser les connaissances pour de meilleures recherches et in fine ce monde meilleur qu'on nous promet depuis le web en fait. Parce que ça, c'est une ancienne qui appartient beaucoup à l'ère du web dans les années 90. Donc, Tim Berners-Lee met au point ce système en collaboration discutée d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de consensus historien sur ça, mais en collaboration avec son collègue Robert Caillot sur ce système de partage de documents. Et alors, il faut savoir que dans l'histoire d'Internet ou dans l'histoire de multiples des réseaux, il y a deux couches qui sont traitées à la fois en parallèle et en convergence. C'est-à-dire, on a la couche infrastructure, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les protocoles, les routeurs, les modems, etc., les liaisons, bien sûr, et la couche interface. Donc, tout ce qui apparaît à l'écran, toutes les applications que l'utilisateur final, même non informaticien, peut utiliser, dont il peut s'emparer. Et c'est là que c'est une vraie révolution, le web, pour le coup, avec la mise en place de mots qui nous parlent encore aujourd'hui, URL, HTML, HTTP, toutes ces structures-là qui nous permettent d'avoir un visuel plus séduisant peut-être que ce qui existait avant. Voilà, et exactement. Et en fait, Tim Berners-Lee a cette idée quand même assez, très avancée, de proposer un système qui va puiser dans les ressources infrastructurelles existantes, les faciliter et rajouter par-dessus une couche d'interface encore plus facile à utiliser. Bon, c'est une simplification grossière que je fais, mais c'est ainsi qu'il met au point une suite logicielle qui se connecte à l'internet, c'est-à-dire au TCP/IP, par le biais d'un protocole qui lui est propre, le fameux HTML, qui est en fait le langage d'affichage en gros d'internet. Exactement, ouais. Le langage d'affichage des données sur l'écran, sur les documents, et par le biais d'un système d'adresses qui sont l'HTTP qu'on connaît très bien, HTTP://, etc., qui donne l'adresse d'un site, enfin d'un document, on va commencer à parler de site internet à ce moment-là, qui est un abus de langage parce que ce sont des sites web en fait. Oui, il y a souvent une confusion aujourd'hui qu'on réalise facilement entre web et internet, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de web sans internet, mais l'inverse n'est pas vrai. Exactement. Et donc, ces documents vont être localisés sur les réseaux. Ils vont avoir des adresses, qui sont d'abord des adresses, des coordonnées de chiffres et de nombres, mais qui rapidement vont pouvoir s'écrire en langage naturel, hein, c'est-à-dire le site de timberners-lee.org. Je ne sais plus exactement quelle était la première URL, mais qui vont pouvoir enfin être reconnaissables, identifiables, utilisables par des utilisateurs non spécialistes. Et donc, ce web se pose sur l'infrastructure TCP/IP, sur l'infrastructure Internet, et vient lui voler la vedette, entre guillemets, puisque le TCP/IP a été construit dans une sorte de, si vous me permettez la comparaison, une mythologie un peu à la Tolkien, c'est-à-dire c'est le protocole qui unira, qui va unifier tous les réseaux, c'est l'anneau qui les lie tous, si vous voulez. Et ce qui est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça en plus. Et le web serait peut-être, si je continue ma métaphore, le Frodon de l'internet, c'est-à-dire que c'est celui qui devient le plus connu parce qu'il est celui qui est le plus grand public, si on ose dire, le plus sympathique, le plus convivial, le plus facile à utiliser. Alors, avec cette suite de modifications de documents, d'identification sur le réseau. Et ça, cette identification, avant même de pouvoir écrire des sites web, l'URL, l'HTTP est fondamentale, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à créer des annuaires. Alors Valérie Schaffer, comment le web Frodon va-t-il sortir de la comté du CERN, et pourquoi est-ce que ça va avoir un succès quand même assez rapide dans les années 90, ce web? Ben là, Tim Berners-Lee va réaliser, Camille évoquait avec Robert Caillot, dont le rôle est aussi un rôle communicationnel. Ils prennent tous les deux un peu leur bâton pèlerin au départ pour aller convaincre de l'utilité du web, reçu d'ailleurs avec beaucoup de... si ce n'est d'indifférence, en tout cas, par le CERN, qui fait de la physique, et le chef de Tim Berners-Lee lui dira, ouais, c'est prometteur, mais un peu vague. Bon, on a vu, en tout cas, c'était prometteur. Donc, ils vont commencer un peu à le présenter dans la communauté scientifique. Ils réalisent là un rêve, un peu plus ancien, puisqu'on peut évoquer dans les années 60, Ted Nelson, qui avait déjà inventé lui-même le terme d'hypertexte et pensé déjà à mettre en relation toutes les pages, tous les documents pour faciliter justement les recherches dans toutes ces ressources informatiques en réseau. Alors, le web, il est facile d'utilisation. C'est une des clés de son succès, c'est facile. Deuxième chose, mis dans le domaine public, puisque le CERN ne va pas poser de brevet dessus, c'est pas son rôle, et que Tim Berners-Lee a une volonté aussi d'ouverture, qui est de le mettre dans le domaine public, que chacun puisse essayer installer le web. Ça, c'est évidemment déterminant. Et puis, quand même, au départ, c'est pas si sexy que ça. Le web, c'est beaucoup du texte et c'est hyperliens. Un changement aussi majeur, c'est notamment les navigateurs graphiques qui vont amener un peu plus là de fun justement dans le web. Le premier, notamment, je crois, c'est Mosaic, c'est ça, en 1990. Voilà, alors Mosaic 93 à l'université d'Illinois, notamment avec Marc Andreessen, c'est un des tout premiers. Il y aura Netscape l'année suivante. Internet Explorer. Voilà, Collabor 95, Internet Explorer, voilà. Et là, c'est cette espèce d'enthousiasme avec, alors, qui se poursuit dans toute la seconde moitié de la décennie 90 et qui va créer cette fameuse bulle Internet, puis son éclatement, la naissance des startups et ce que certains pionniers français appellent finalement le web paillette. Et c'est pas si mal vu quand on revoit les anciens sites web, qu'on les revisite notamment dans Internet Archive, avec ces animations flash, cette exubérance des pages très clinquante, mais qui, effectivement, séduit à ce moment-là. Camille Paloc-Bergès, dans ce contexte de conquête d'un nouvel Eldorado numérique, d'une certaine façon, un peu sans foi ni loi, et dans un contexte d'ouverture, comme le précisait à l'instant Valérie Schaffer, est-ce que on se pose immédiatement la question des contenus partagés et de cette collision, d'une certaine façon, entre la liberté et le virtuel? Alors, un poil plus tard, si j'ose dire. C'est-à-dire que le succès du web a une forme de paradoxe, c'est-à-dire qu'il a été plus ou moins bien reçu par les informaticiens anciens des réseaux. Ces nouvelles interfaces graphiques ont suscité un petit peu de méfiance, un peu de suspicion. Alors pas chez tous les informaticiens, bien sûr. Il y avait des camps, si on peut dire. Mais ce qui a vraiment été déterminant, c'est que les opérateurs de télécom en train de faire leur transition numérique, profitant aussi de la dérégulation des télécoms qui a eu lieu pendant toutes les années 80, en tout cas en Europe, ça a été très important, hein, ça a été le soubassement du succès du web, enfin ça a été un des soubassements, mais ces opérateurs télécom voient le potentiel de ces nouveaux outils et le potentiel pour l'usager courant. Et à partir de là, se construit une mythologie de l'usager tout puissant. Vous pouvez tout faire sur Internet, qui est construit à la croisée du discours des opérateurs de télécom qui veulent vendre leurs premiers abonnements et qui s'inspire énormément des prophètes du numérique qui sont là depuis longtemps, mais qui commencent véritablement à prendre voix, ou en tout cas à leur voix commence à porter dans les années 90 avec une série de publications non numériques. Il faut le noter. Par exemple, le magazine Wired américain a eu une influence considérable sur le succès du web, puisque des journalistes spécialisés comme Warren Rengold ou Stephen Levy ont commencé à chanter la gloire d'Internet en utilisant le web comme point de focalisation. C'était vraiment, maintenant on peut utiliser, tout le monde peut utiliser, et ça va nous libérer. Vous allez voir, la vie virtuelle est beaucoup moins contraignante que la vie réelle. Alors avec toutes les guillemets évidemment qu'on peut mettre entre vie virtuelle et réelle, mais en tout cas ce discours de promotion du virtuel qui s'est développé au creux de ce qu'on appelait à l'époque la cyberculture a véritablement été construit entre le besoin de vendre des abonnements, si j'ose dire, pour renouveler le champ des télécommunications à l'aune du numérique, et ces prophètes qui s'exprimaient dans des médias de plus en plus populaires, de plus en plus médiatisés, pour le coup, on les invitait à la télévision, etc. Et ils parlaient. C'est des gens qui écrivaient beaucoup, hein, très très prolixes. Et l'un de ces prophètes du numérique, le fameux... Vous voyez de qui je parle, j'ai son nom quelque part dans les films. La déclaration d'indépendance. Barlow, merci Valérie, John Perry Barlow, qui fait sa fameuse déclaration d'indépendance du cyberespace en 96, si je me trompe pas. Qui est à la fois une promotion du cyberespace, comme on l'appelait à l'époque, donc cyberculture, cyberespace, c'était les mots-clés de l'époque. Aujourd'hui, on a open ceci, open cela. À l'époque, c'était cyberculture, cyberespace. À la fois une promotion du cyberespace, en vantant ses possibilités infinies, le fait que l'utilisateur a un nouveau pouvoir, et en même temps, en mettant un certain nombre de limites face aux États qui commencent à s'intéresser de plus près à ce nouveau médium qui leur échappe en partie, la peur que des problématiques d'ordre moral, juridique, politique puissent émerger. Et d'ailleurs, le futur donne raison à ces États, entre guillemets. C'est-à-dire que ces problématiques ont vraiment eu lieu. Et John Perry Barlow, sa déclaration du cyberespace est un petit peu désuète aujourd'hui. C'est-à-dire que cette proclamation du sans limite du cyberespace, en fait, a vite été rattrapée par les contraintes de la vie quotidienne et des cadres institutionnels qui font qu'une société existe, si vous voulez. Valérie Schaffer, cette question de la liberté, ça fait partie des grandes questions d'Internet. Internet, je l'ai dit souvent dans cette émission, c'est une révolution, mais il y a tout de même un fait à souligner, c'est que ça continue de se construire aujourd'hui avec des tâtonnements et d'autres questions irrésolues. Quelles sont les questions irrésolues auxquelles on se heurte encore aujourd'hui dans nos usages d'Internet après la révolution qu'on a connue dans les années 2000 de l'intégration d'Internet au foyer, de l'accélération des rythmes de connexion, etc. Quelles sont aujourd'hui les grandes questions qui étaient présentes au début d'Internet et auxquelles on n'a pas encore de réponse? Alors, on va revenir sur une évolution qui n'était pas présente, en tout cas au début d'Internet, et qui pose question aussi hein, pour l'avenir d'Internet comme du web, c'est celle de la marchandisation. On est passé un peu vite hein, sur, et c'est normal, on ne peut pas tout raconter en une heure, mais toute l'économie, bien sûr. Ouais. L'économie, la privatisation d'Internet et notamment l'arrivée hein, de géants comme Amazon, eBay, Yahoo, hein, qui sont, enfin Yahoo moins maintenant, mais créés en 95, mais il y avait eu avant tout un mouvement pour faire opérer aussi aussi hein, toutes les épines dorsales d'Internet par le secteur privé. On est passé progressivement à un réseau hein, qui était un réseau vraiment de la recherche, sur lequel on condamne explicitement tout usage marchand hein, et les spams, etc., à quelque chose qui va effectivement devenir un espace commercial avec des opérateurs effectivement privés présents pour faire de l'argent. Donc il y a cette question toujours ouverte de la cohabitation en gros des rêves originels et ça cohabite hein, vous pouvez avoir à la fois Wikipédia et Amazon hein, qui cohabitent et qui sont parmi les sites les plus consultés, des choses très très ouvertes, des espaces plus alternatifs et puis des géants, alors qui évidemment posent de réelles menaces hein, avec la plateformisation, avec tous ces géants qu'on appelle les GAFAM hein, qui créent des silos sur Internet. On a bien sûr ces questions-là qu'il va falloir résoudre, des questions de sécurité hein, qui restent évidemment toujours en jeu, des questions aussi, Vinton Cerf revenait sur un projet que déjà un hein, leader avait vaguement envisagé de réseau intergalactique hein, et de connecter, alors aujourd'hui on parle d'Internet des objets, de connexion de plus en plus hein, entre objets humains, etc., et nos vies connectées. On veut appliquer bien évidemment aussi Internet aux véhicules intelligents, au secteur de l'énergie, de la mobilité, à tous les domaines. L'intelligence artificielle bah, pose des tas de questions aussi avec l'arrivée, par exemple, des deepfakes, hein, ces images de la reine d'Angleterre hyper trompeuses, etc. Donc, il y a des questions hein, toujours évidemment en jeu, mais peut-être la question la plus importante, c'est celle de la cohabitation, justement, ces valeurs originales d'ouverture, de pair à pair, de réseaux égalitaires, et puis ce que font les géants de la communication qui sont extrêmement inventifs hein, et créatifs depuis Facebook hein, né en 2004, un peu avant Google qui a investi plein de secteurs de services sur le web, de voilà de cet avenir d'un réseau hein, qui était ouvert, qui faisait de la place à tous et de comment tout ça va cohabiter dans le futur. Et puis de plus en plus on se pose la question des données, de notre privacy, etc. C'est déjà des questions hein, qui traversaient les requests for comments, la documentation technique et l'esprit des ingénieurs, mais elles se posent de plus en plus. Et il y a même des réflexions sur de nouveaux protocoles. On parle pas mal en ce moment de QUIC, hein, notamment, qui serait au-dessus de TCP/IP et qui est un réseau, qui est pas un réseau, pardon, mais un système d'encryption, enfin, qui serait beaucoup plus fort et dont on va parler ben, dans quelques jours, hein, l'AFNIC, qui est l'association hein, qui distribue les noms de domaine en France, a ses journées scientifiques le 31 août et va justement présenter un peu tous ces enjeux, puisque pour les noms de domaine aussi, hein, il y a des questions de plus en plus de sécurité, etc. Donc voilà, il y a une multitude encore de choses à explorer, mais on peut que souligner l'extraordinaire flexibilité à la fois d'Internet et du web hein, qui ont su évoluer et qui, par leur ouverture, permettent aussi à d'autres d'apporter des innovations et qui ont quand même si parfois on a annoncé la mort du web hein, face aux applications, à mon avis, un avenir encore certain. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux, Camille Paloc-Bergès, Valérie Schaffer, d'être venues nous parler de cette naissance et de cette évolution d'Internet et du web. Et pour conclure cette émission, on se quitte comme chaque jour en musique avec aujourd'hui Catastrophe Social Network. Social network. We're living in a social network. People in a social network. People in a social network. Un grand merci à toute l'équipe d'Eureka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tomum Dunstock, Antonin Amberger, à la réalisation Nicolas Berger, à la technique aujourd'hui Jacques Azubert. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, dans Eureka, nous soufflerons sur les braises d'une histoire aussi ardente que passionnante, celle de la découverte et de la maîtrise du feu dans la préhistoire. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. L'esprit d'ouverture.